boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. C'était Cage the Elephant avec Cold Cold Cold que j'ai tiré du 5e album du groupe au nom étrange du chanteur Matthew Schulz. On les a déjà écoutés dans Pop and Rock et quelque chose me dit qu'on les écoutera encore. Mais pour l'instant, je vous propose de revenir en France pour découvrir ensemble un groupe issu d'Angers mais qui se voue à la langue anglaise dans leurs albums. Le groupe c'est Lane. On écoute un premier morceau, Life as a Sentence, et on en reparle après. Life as a Sentence, Lane. Yeah. ce premier morceau de Lane, je l'ai pioché dans le second album qui s'appelle Pictures of Century. J'adore cet album dans lequel les morceaux s'enchaînent, alternant l'énergie comme avec Discovery None ou Voice, et le rock plus doux de Sentence as Life qu'on vient d'écouter. Second morceau maintenant, énergie au rendez-vous avec Lollipop and Candy Cane avec les Angevins de Lane. Pour ce groupe français, Lane pour Love and Noise Experiment. Et dire que tout à l'heure je trouvais Cage the Elephant original, mais l'essentiel n'est pas là. Les sens du rock, ce sont les guitares, la voix grave dans le second album de Lane. Dernier morceau pour ce soir, It's Only Love. Listen to the story of a happy day. And on to a girl dancing in the street, running out with the crowd trying to escape from the shots, from the smoke and the chain. She met a boy, fragile and tender, gave him a kiss. Après Lane et son second album aux couleurs très rock, on va se promener avec un morceau appelé à devenir pour moi un classique du rock. Le morceau s'appelle Blank Generation, il a été écrit par l'anonyme Richard Hell. On a déjà écouté une reprise de ce morceau il y a quelques semaines avec le groupe Les Bobbilees. Ce soir, c'est la version de The Rockunchers, groupe estampillé pop and rock que je vous propose. On écoute donc Blank Generation. Some people like to rock, some people like to roll. But me, I like to sit around and satisfy my soul. I like my women short, I like my women tall. And that's about the only thing I really dig at all. I belong to the B generation. I don't let anything trouble my mind. Yeah, I belong to the B generation, man. And everything's going just fine. C'est un titre qu'on n'avait pas encore entendu dans Pop and Rock. Le morceau s'appelle Drive, le groupe c'est The Bobbilees. They say I shouldn't drive when I'm feeling slightly suicidal. I'm looking for telephone poles and holes to crawl inside them. Well, I've been driving around holding my breath about 3-4 miles. Looking for telephone poles and holes to drive inside them. Oh, come here. Drive with me. Oh, come here. Énergie ce soir dans Pop and Rock. Alors une petite bouffée d'air plus douce nous fera, je pense, le plus grand bien. Je vous propose donc une petite promenade avec des filles plus tranquilles. Quoique, la première ce sera Emily Jane White avec un classique de Pop and Rock. Le morceau ce sera All in the Middle, qu'on enchaînera avec la belle voix du groupe Big Thief qui chantera Cattail. Everybody does a little dance with the devil. And everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know I'm evil now. And you shout it loud and proud, saying, born in the U. Saying born in the USA. cette respiration, nous voilà prêts pour notre seconde triplette du soir avec encore un groupe au pseudo étrange, A Fire Inside, IFI. C'est un groupe que j'ai déniché en traînant sur YouTube et pour commencer, on les retrouve dans une super version d'un morceau de Cure, Just Like Heaven. Des recherches sur Fire Inside, ce qui saute le plus aux yeux, c'est que ce groupe, s'il a créé de beaux morceaux, risque de ne jamais vraiment percer parce qu'il semble qu'il n'ait jamais trouvé ni leur voix ni leur style. Malgré tout, je vous propose deux morceaux. On écoutera Silver and Cold, mais pour commencer, on écoute Girls on Grey, Fire Inside. Much further down. sur la page Facebook de Pop and Rock. Retrouvez toutes les émissions en podcast. Une petite piqûre de rappel, si vous avez loupé les deux derniers Pop and Rock, on va se lancer sur un petit morceau du groupe RVG, Romy Vrigel Group. Before. And cloister up this dying thing anymore. Something that it's shame. Tried to lie my way out of it. Tried to talk my way through. But the math was done. There was nothing I could do. And then a big cloud suddenly appeared and ruined the sky. I walked home in the rain, pretending not to cry. I was hoping I could live my life in a shell. But somebody hatched me and down I fell. Something that had changed. RBG, un groupe australien que je vous engage à regarder sur YouTube dans des lives assez fous. Mais en attendant, j'ai une petite envie de Daniel Dark. Vous ne voyez peut-être pas de qui je parle, pourtant vous connaissez par cœur son titre avec Taxi Girl. Le titre c'était Cherchez le garçon, mais ce soir c'est le Dark en solo que je vous présente, My Baby Left Me. Moi, je fais le contraire de ce que je propose aux autres. Elle avait trop froid au cœur, elle s'en est allée. Faire des ronds dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau, autant dire le ciel. Ce qui existait existe toujours. C'est un drame de part avec moi. Elle a des yeux comme le lac bleu, des épidermes de grâce. Ne secouez pas, ce qui a existé existe toujours, ce qui a existé existe toujours. Aux larmes, je suis condamné. Elle est partie, mais je la vois encore. Crever, c'est comme baiser. C'est pas parce qu'on a envie qu'il faut le faire tout de suite. Il n'y a que deux sortes d'histoires d'amour. Le garçon perd la fille. La fille perd le garçon. Je suis fixé sur mon sort. Une vague en or blanc, un nom inscrit dedans. Le premier des deux qui crève attend l'autre. Tu m'avais prévenu, mais je ne t'ai pas cru. Migraine, la tristesse durera toujours. Une fille de brève joie. We'll be right back. born in this place as well. It's done on the end of Walnut Street, it's Heartbreak Hotel. Since my baby left me, I found a new place as well. It's done on the end of Walnut Street, it's Heartbreak Hotel. Since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down on the end of Lonely Street, it's called Heartbreak Hotel. My baby left me. Well, my baby left me, never said a word. My baby left me, never said a word. Daniel Darc, héros de Taxi Girl, qui laisse sa place à un sombre héros, Bertrand Cantat et Détroit, pour le morceau Dans le creux de ta main. Je peux gravir pour toi les sommets de l'ivresse et ramper en silence dans les tranchées de boue aussi longtemps que Mona Lisa peut garder son sourire de caresse. Je peux prendre les armes et les rendre au centuple, sécher les larmes et saluer l'horizon. Et je veux te saisir sans jamais épingler le papillon. Je t'aime. Et les étés de feu dans les jours de péril et les longues nuits de grâce à la gloire de l'étreinte et au cul de la pensée étroite et restreinte. Il n'y a pas de méthode et rien à expliquer, pas de technique en vogue, de calcul étriqué, mais que vienne l'extase et que crève les pouvoirs au rabais. Je t'aime. Encore une petite session de rattrapage si vous n'êtes pas des fidèles de pop and rock. Mais y en a-t-il seulement? Quoi qu'il en soit, le groupe qui suit, pas sûr que vous le connaissiez, ça a presque la couleur, voire la saveur du Brian Johnston Massacre, mais ce sont les Warlocks avec leur morceau Double Life. Allez, il va être temps de se quitter. Notre heure passée ensemble avec quelques nouveautés, quelques classiques, touche à sa fin. Et pour vous dire au revoir, deux derniers morceaux, Group Love, Deleter, morceau estampillé pop and rock, et puis un petit groupe français que j'aime beaucoup, Parlo Snakes, avec leur, je crois que c'est leur dernier album, sur lequel on trouve le titre Serpent. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même à même endroit. Bisous à tous.